إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons la lecture ainsi que les quelques commentaires sur le livre Al-Wajiz fi fiqh al-Sunnah wal Kitab al-Aziz. La semaine dernière, on avait parlé des piliers de la prière, arkan al-salah. Qui peut me citer le nombre de ces piliers? Combien sont-ils? Non. 14. Ils sont au nombre de 14. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la définition du pilier? Qu'est-ce qu'un pilier de la prière? Ou un pilier en général? Ma huwa ar-rukn? Quelle est la définition qu'on avait donnée? Non. Non. Il fait partie intégrante de la prière. Et lorsqu'il est... Lorsqu'il n'est pas accompli, la yusqutu ou la yujbaru bissahu. Naam, et donc lorsqu'il n'est pas accompli, la prière est annulée et les prosternations de la distraction ne le remplacent pas. Les prosternations de la distraction ne remplacent pas le pilier. D'accord? Et la semaine dernière, j'ai fait une erreur dans la définition de l'wajib, de l'obligatoire. De l'obligatoire, j'avais dit que celui qui délaisse l'obligatoire, sa prière, et... Qu'est-ce que j'avais dit? Personne ne s'en rappelle? Alhamdulillah. Hein? Accepté? Les savants disent celui qui délaisse le pilier, l'obligatoire volontairement. Celui qui délaisse al-wajib muta'ammidan fa salatuhu batila. L'obligatoire, lorsque tu le délaisses volontairement, ta prière est... Elle est nulle. Et lorsque tu le délaisses par oubli ou par... comment dire? Par distraction, ta prière est valide, mais tu dois faire les... prosternation de la distraction. Donc ça, ce sont les différences entre l'obligatoire et le pilier. Taïf, le premier pilier qu'on avait cité, c'était takbirat al-ihram, le fait de dire Allahu Akbar au début de la prière, le premier takbir. Et le savant donnait des conditions pour takbirat al-ihram. Ils disent, elle doit être dite uniquement en disant Allahu Akbar. Quelqu'un qui dit par exemple Allahu Ajal ou Allahu A'az, Allah est le Tout-Puissant, au lieu de dire Allahu Akbar, cela n'est pas considéré comme takbirat al-ihram. Takbirat al-ihram, la budda an takuna bilafd al-takbir. An yakul al-insan, Allahu Akbar. La personne doit dire Allahu Akbar et rien d'autre. Il n'y a que cette phrase qui permet aux musulmans d'entrer en prière lorsqu'il le dit avec l'intention de takbirat al-ihram. On avait cité le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam prouvant cela lorsqu'il dit wa tahrimuha at-takbir, parce qu'il parle de la prière, il dit et ce qui rend interdit cette prière, c'est-à-dire ce qui rend interdit durant cette prière des choses qui sont autorisées en dehors. Payib. Le deuxième pilier? Non? Non, c'est pas le deuxième pilier qu'on avait cité, Al-Fatiha. C'est le troisième. Al-Qiyamu lil-Qadiri, non, fil-Fard. Donc de prier debout pour celui qui en a la possibilité, la capacité, durant une prière obligatoire. Ça c'est important. Durant une prière obligatoire. Dans les prières surérogatoires, le fait de prier debout pour celui qui en a les possibilités ou non, n'est pas un pilier. Celui qui veut prier une prière surérogatoire assis, même s'il a, il a la capacité physique de le prier debout, sa prière elle est valide, mais elle est, la récompense est diminuée de moitié. Naam. Le troisième pilier, قراءه الفاتحه في كل ركعه, la lecture de sourate al-fatiha dans chaque raka'a, et ceci pour celui qui prie seul ou derrière l'imam pendant les prières à voix basse ou pendant les raka'at à voix basse. Et on avait cité le khilaf des savants à ce sujet, pour celui qui prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, est-ce qu'il doit réciter Al-Fatiha derrière l'imam en appliquant le hadith du Prophète sallam, la salata illa bi ummi al-Qur'an. Point de prière pour celui qui n'a pas lu sourate Al-Fatiha. Et on a cité que d'autres savants disent que non, celui qui prie derrière l'imam pendant une prière à voix haute, il se doit de l'écouter. Car le Prophète sallam a dit wa idha إذا كبر فكبروا lorsque l'imam dit Allahu Akbar, dit Allahu Akbar, وإذا ركع فركعوا lorsqu'il fait ركوع, faites le ركوع, وإذا سجد فسجدوا lorsqu'il se prosterne, prosternez-vous, وإذا قرأ فأنصتوا, et lorsqu'il lit, écoutez-le. Donc on avait cité la divergence des savants sur ce sujet. On avait dit que l'avis le plus proche de la vérité, inshallah, c'est que la personne, il ne lui est pas obligatoire de réciter la Fatiha derrière l'imam pendant une prière à voix haute. Taïb, le quatrième et cinquième pilier sont Ar-Rukur wa Tuma'nina Tafir, l'inclinaison et le fait d'y être apaisé. Le sixième et septième, Naam, Al-i'tidal wa tuma'nina fi, de se relever du recours et d'être apaisé. Qu'est-ce qu'on avait donné comme définition de al-i'tmi'nan? Qu'est-ce que être apaisé? On avait donné la définition. Naam. Naam. Ahsan. Donc quand on parle d'apaisement, les savants disent, c'est-à-dire chaque os revienne à sa place, que chaque os prenne sa place et que la personne ressentent un apaisement. D'accord? Donc de faire l'inclinaison, une personne qui s'incline 3 secondes ou 5 secondes, est-ce que ses os auront le temps de prendre chacun leur place? Non. Tu dois t'incliner avec sérénité, avec apaisement, avec tranquillité, jusqu'à ce que chacun de tes os prenne sa place et que tu te sentes apaisé, que tu fasses le rappel à dire pendant l'inclinaison, et à ce moment tu peux te relever. À ce moment là tu accomplis le recours comme il se faut, comme il se doit. Taïb, ensuite on a dit le sixième et le septième, c'est de se relever de l'inclinaison et d'être apaisé durant ce relèvement. Taïb, le huitième et neuvième, al-sujoud ala Al-A'zam al-Saba, de se prosterner sur les sept os et d'être apaisé durant celui-ci. On avait dit les sept os sur lesquels la personne doit se prosterner sont le front et le nez y compris, les deux mains, les deux genoux et l'extrémité des orteils, des pieds, l'extrémité des pieds doivent toucher le sol. Et le professeur Hassan m'a dit que la prière de celui dont le nez ne touche pas le sol n'est pas acceptée. La prière de celui qui se prosterne sans que son nez ne touche le sol comme son front touche le sol, sa prière est annulée. Dixième et onzième, Al-Julus bayn as-sajdatayn wa tuma'nina tafih, de s'asseoir entre les deux prosternations et d'être apaisé durant cette posture. Quelle est la preuve? Le hadith de Al-Moussi Salatahu, de l'homme qui a mal accompli sa prière. Qu'est-ce que le professeur Sam lui a dit dans ce hadith? Thumma, lui a d'abord dit Thumma sujud, hatta tatma inna sajida. Thumma rfa' hatta tatma inna jalisa. Le professeur Sam lui a dit prosterne-toi jusqu'à être apaisé durant ta prosternation. Thumma rfa', puis relève-toi, hatta tatma inna jalisa, jusqu'à ce que tu sois apaisé durant cette assise. Et quelle est la preuve que c'est un pilier? Hein? La règle, c'est que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à cet homme qui a mal accompli sa prière, al-Moussi salatahu, dans cette prière, c'est soit un pilier, soit une obligation. Soit un pilier, soit une obligation. Le douzième pilier de la prière est At-Tashahud al-Akhir, le dernier Tashahud. Et quelle est la formule de Tashahud la plus authentique rapportée dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a été rapportée par quel compagnon? Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdullah ibn Mas'ud? Que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné At-Tashahud main dans la main, comme il lui enseigne les sourates du Coran. Et il a dit At-Tahiyatu lillah. Qui peut me la réciter? At-Tahiyatu lillah. At-Tahiyatu lillah. Was-salawatu wat-tayyibat. As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu. As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ça c'est la formule de tashahhud la plus authentique rapportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait cité une remarque de l'auteur qui dit sur le fait de dire assalamu alayka ayyuhan nabi, de dire que le salut soit sur toi ô prophète. Et on avait cité la divergence des savants à ce sujet. Est-ce que durant le tashahhud la personne doit dire assalamu alayka ayyuhan nabi, ou bien doit-elle se contenter de dire assalamu alan nabi? Qu'est-ce qu'on avait dit sur ce point? Les deux étaient bons. La vérité elle est unique. Non. On avait cité la parole de Abdullah ibn Mas'ud, justement le rapporteur du hadith, où qui dit qu'il disait assalamu alayka ayyuhan nabi durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après sa mort il disait assalamu ala nabi. Et cela était cité par d'autres compagnons hormis Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Parmi eux Aisha radiyallahu anha, lorsqu'elle enseignait at-tashahhud, elle disait assalamu ala nabi, que le salut soit sur le prophète. Elle ne disait pas assalamu alayka ayyuhan nabi, elle ne disait pas que le salut soit sur toi ô prophète. Tayyib. Et les autres savants, que disent-ils? Ceux qui disent que tu dois dire assalamu alayka ayyuhan nabi, que le prophète soit mort ou vivant, quelle est leur preuve? Non, c'est pas ça la preuve. Non. Ils disent que c'est un effort de Abdullah ibn Mas'ud et des autres compagnons, que c'est leur avis qu'ils ont donné, mais que nous, on doit suivre la sunna du professeur sallam. Et le professeur sallam, lorsqu'il a enseigné à Abdullah ibn Mas'ud, il lui a enseigné assalamu alayka ayyuhan nabi. À la kulli hal, l'avis le plus sûr, inshallah, c'est l'avis qu'a soutenu Cheikh Al-Albani rahimahullah, de dire assalamu ala nabi, car cela a été rapporté des compagnons. Et il y a une règle, c'est que lorsqu'un compagnon affirme quelque chose et qu'il n'a pas été rapporté par les autres compagnons le contraire, la parole de ce compagnon doit être prise en considération. C'est une règle qu'il faut connaître. C'est que lorsqu'un compagnon dit une chose, dit une parole, et que cette parole n'est pas contredite par les autres compagnons ou n'est pas remis en cause, la parole de ce compagnon doit être prise en considération. Voilà. C'est vrai que cette règle que tu nous dis, il commence à voir, il en connaît par la Tunisie. Comment ça se fait qu'il y a un Tunisie? Comment ça se fait qu'il y a un Tunisie? Parce que là, il prévaut. Là, c'est une, là, c'est un cas qui est précis. C'est un cas où on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a le plus authentique des hadiths, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Qui lui a enseigné? Al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, les savants qui ne prennent pas en considération la parole d'Abdullah ibn Mas'ud prennent en considération la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant tout. D'accord? Et l'autre sujet, qui est la parole des compagnons, ça c'est. Les savants l'auraient appliqué s'il n'y avait pas de hadith. S'il n'y avait pas de hadith, là, les savants auraient appliqué cette règle sans divergence. Mais là, à partir du moment où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et où il y a une parole d'un compagnon, là, on a deux règles qui peuvent être appliquées. Soit on prend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit on prend l'explication des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et entre autres, pourquoi est-ce que la vie le plus sûr, Inch'Allah, c'est de ne pas dire assalamu alayka ayyuhan nabi, mais de dire assalamu ala nabi, car le rapporteur du hadith, c'est lui qui a apporté le plus d'informations. Abdullah ibn Mas'ud, à qui le prophète sallam a enseigné, c'est lui-même qui a dit que le prophète sallam, durant son vivant, on disait assalamu alayka ayyuhan nabi, et après sa mort, on disait assalamu ala nabi. C'est ce qui fait la force de l'argumentation des savants qui disent de dire assalamu ala al-nabi. C'est clair? Le 13e pilier, c'est as-salatu ala al-nabi. C'est de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle est la formule pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La meilleure des formules à dire, ou la meilleure des invocations à prononcer pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure apportée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Donc ça c'est l'invocation la meilleure à rapporter dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait donné la remarque sur le fait de dire as-sayyid, de dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. On avait dit que le terme sayyid n'avait été rapporté dans aucun hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le tashahhud. Dans aucune des versions des hadiths, que ce soit faible, qu'elle soit faible ou authentique, il n'a été rapporté le terme sayyid. Cela ne, on parle bien de pendant la prière, pendant le tashahhud, durant la prière. En dehors de la prière, il est autorisé de dire sayyid. Il est même préférable, car le prophète sallam a dit ana sayyidu waladi adam, voilà, fort, je suis le meilleur des êtres humains, et point d'ostentation. Donc, de ne pas dire sayyid durant la prière du professeur sallam pendant la salat n'est pas un manque de respect envers lui, bien au contraire, c'est le plus noble des respects, car c'est le suivi, car on suit sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et le 14e pilier, c'est at-taslim. Et la preuve, c'est le hadith du professeur sallam, la clé de la prière et la purification. Ce qui rend interdit, c'est takbirat al-ihram, le takbir. Et ce qui rend autorisé, c'est at-taslim. Ce qui rend autorisé, en dehors de la prière, les choses interdites durant celle-ci. طيب. يقول المؤمن. نعم. Si on faisait exprès de billets, une obligation, la salat a été acceptée, mais justement, je peux t'arriver après que j'avais dit que j'avais fait une erreur. Donc au début du cours, j'avais dit que j'avais fait une erreur sur l'explication, sur la définition de l'obligatoire. J'avais dit que l'obligatoire, lorsque tu délaisses volontairement ta prière, est valide, mais tu as commis un péché. Ça, c'est une erreur de ma part. L'obligatoire, lorsque tu le délaisses volontairement, ta prière est elle est annulée. Donc ta prière, elle est annulée. Et lorsque tu le délaisses involontairement, il est compensé par les deux prosternations de la distraction. Tout à l'heure, j'ai demandé, personne ne se rappelait de cette erreur. طيب يقول المؤلف واجبات الصلاة les obligations de la prière. أولا تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Donc la première chose obligatoire sont تكبيرات الانتقال. C'est le fait de dire Allahu Akbar durant les mouvements, pendant la prière. وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Et de dire سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. Qui connaît la signification de سمع الله لمن حمده? Qu'est-ce que ça veut dire سمع الله لمن حمده? Allah entend ceux qui le louent. Mais ça veut dire quoi? Allah entend ceux qui le louent. Allah, il entend tout. C'est une invocation. Qu'est-ce que tu demandes? Qu'Allah entende. C'est pas une invocation. Qu'Allah entende ceux qui le louent. C'est une invocation. Ahsan, Ujib. Allah entend, c'est-à-dire exauce. Naam. As-sam' huna, ça veut dire al-istijaba. Lorsque tu dis Allah, qu'Allah entend ceux qui le louent, c'est-à-dire Allah exauce ceux qui le louent. Qu'est-ce que ça veut dire exaucer ceux qui le louent? Comment est-ce qu'Allah il peut exaucer ceux qui le louent? Alors que ce n'est pas une invocation de dire Alhamdulillah. Qui connaît la réponse? Hein? Parce que quand on demande à Allah, les ahsan c'est d'abord de louer, de faire alayhi, comment tu veux? Non. Non. Exaucer ceux qui le louent, c'est-à-dire qu'Allah récompense ceux qui le louent. Qu'Allah exauce ceux qui le louent en leur donnant la récompense. La récompense qui est au minimum de 10 et au maximum de 700. Donc les savants disent, la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'accorder une récompense à ceux qui le louent. Et quelle est la preuve que As-Sam' dans le Coran veut dire Al-Istijaba? Qui connaît la preuve dans le Coran où le terme samia veut dire exaucé? Innaka sami'u du'a. Ahsan. Innaka sami'u du'a. Ibrahim alayhi salam a dit lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, innaka sami'u du'a, tu es celui qui entend l'invocation, autrement dit celui qui l'exauce. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un, et ne faites pas partie de ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Entendre ici dans le verset signifie al-istijaba, ceux qui ont répondu. Ne faites pas partie de ceux qui disent qu'ils ont répondu alors qu'ils n'ont pas répondu. Et dans la sunna du professeur sallam, quelle est la preuve que le terme sami'a peut signifier exaucer? Qui connaît? Le Prophète sallam a dit Allahumma inni a'udhu bika min arba' min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Et dans une autre version, wa min du'a'in la yustajabu lahu. Donc le Prophète sallam a dit de demander la protection contre quatre choses: contre une science non bénéfique, contre un cœur qui ne craint pas, contre une âme qui ne se rassasie pas, et contre une invocation qui n'est pas entendue, c'est-à-dire qui n'est pas exaucée. An Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha qama ila as-salati yukabbiru hina yaqum ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc la preuve que les takbirs que l'on dit durant les mouvements pendant la prière sont obligatoires et le hadith d'Abu Huraira radiallahu anh rapporté par Al-Bukhari et Muslim qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il se levait pour prier il disait Allahu Akbar lorsqu'il était debout puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il s'inclinait puis il disait Sami Allahu liman hamida lorsqu'il relevait son dos de l'inclinaison. Puis il disait, alors qu'il était debout, « Rabbana lakal hamd »« Rabbana lakal hamd » Et durant cette posture, lorsque la personne se relève du recours, de l'inclinaison, et qu'elle est debout, il y a quatre invocations rapportées par le professeur Salam. Tu peux dire « Rabbana lakal hamd » ou bien « Rabbana wa lakal hamd » ou bien « Allahumma rabbana lakal hamd » ou « Allahumma rabbana wa lakal hamd » Vous avez saisi les différences ou pas? Soit tu dis Rabbana lakal hamd ou bien Rabbana wa lakal hamd ou bien tu rajoutes Allahumma au début. Allahumma Rabbana lakal hamd ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Thumma yukabbir hina yahwi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahu Akbar lorsqu'il descendait, c'est-à-dire pour se prosterner. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation. ثم يكبر حين يسجد. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il se prosternait. ثم يكبر حين يرفع رأسه. Puis il disait Allahu Akbar lorsqu'il se relevait, c'est-à-dire de sa deuxième prosternation. ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها. Puis il faisait ainsi durant sa prière jusqu'à la terminer. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Il disait Allahu Akbar lorsqu'il se levait après les deux raka'at, c'est-à-dire après le premier tashahhud. Et le professeur Hassan a dit, « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Et il a dit, « Priez comme vous m'avez vu prier », c'est-à-dire prier obligatoirement comme vous m'avez vu prier. C'est un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le takbir, dans ce hadith, le Prophète sallam a dit, si on prend l'exemple, ثم يكبر حين يركع, puis qu'il dise Allahu Akbar lorsqu'il s'incline. Et les savants disent que le takbir doit se dire durant le mouvement, durant le moment où tu es debout, entre le moment où tu es debout et le moment où tu t'inclines. C'est-à-dire que ton takbir doit commencer au moment où tu commences à faire ton inclinaison, il doit se terminer avant que tu t'inclines. Et d'autres savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah disent qu'il est autorisé, comme cela a été rapporté dans certains hadiths, de dire le takbir avant l'inclinaison. Cela est autorisé, mais le meilleur est de dire le takbir durant le mouvement. Lorsque tu t'inclines, tu dis Allahu Akbar. Lorsque tu te prosternes, tu dis Allahu Akbar. Au moment où tu te prosternes, tu dis Allahu Akbar. Et le Allahu Akbar, le takbir, doit se finir avant que tu te prosternes. Car les savants appellent cela takbirat al-intiqal. Les takbirs durant les mouvements. Donc ce sont des takbirs qui sont propres durant les mouvements, lorsque tu es en mouvement pendant ta prière. Et certains font l'erreur, beaucoup d'imams entre autres, disent, moi je dis Allahu Akbar quand je suis prosterné. Pourquoi? Parce que si je dis Allahu Akbar au moment où je m'incline, je dis Allahu Akbar lorsque je suis en état d'inclinaison. Pourquoi? Car si je dis Allahu Akbar au moment où je m'incline, les gens vont me précéder et il aurait interdit de me précéder. Les savants sont catégoriques sur l'erreur de cette personne. Cette personne fait une erreur car elle contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kana yukabbir Abu Huraira dit que le prophète sallam kana yukabbir hina yarka, au moment où il se prosterne, où il s'incline, pas lorsqu'il est incliné. Pas lorsqu'il est incliné. Et certains savants ont même dit que celui qui dit Allahu Akbar lorsqu'il est incliné, cela n'est pas valide. Cela n'est pas valide. Mais la plupart des savants disent que cela est valide. Comme Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala. À la kulihal, la personne se doit de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et si les gens, lorsqu'il dit Allahu Akbar, au moment de son inclinaison, le précèdent, il doit les conseiller. Il doit leur montrer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et leur dire que cela est interdit. Que celui qui prie derrière l'imam, il lui est interdit de précéder l'imam dans ses faits, ses gestes et dans ses paroles. Car s'il le précède, à quoi bon avoir un imam? Un imam est là pour être suivi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih » L'imam est là pour que l'on suive, pour que l'on suive. On doit suivre l'imam. D'accord? Et tu ne dois pas remédier ce problème en allant à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en disant « Allahu Akbar » au moment où tu es incliné. Voilà. Non. C'est quand tu es en deuxième période. Le Cheikh Al-Badi, rahimahullah, donc le frère demande, lorsque la personne se relève de la deuxième prosternation et qu'il fait jalsat al-istiraha, la posture du repos, à partir de quel moment est-ce qu'il doit dire Allahu Akbar? Est-ce qu'il dit Allahu Akbar lorsqu'il se relève de sa deuxième prosternation, ou est-ce qu'il dit Allahu Akbar au moment où il se lève pour la troisième rak'at? Cheikh Al-Badi, rahimahullah, a dit il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il se relève du sujoud. Il doit dire Allahu Akbar lorsqu'il se relève du sujoud. Pourquoi? Car le prophète sallam, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah. Thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sah. Le prophète sallam disait Allahu Akbar lorsqu'il relevait sa tête. Donc quand tu relèves ta tête, tu dis Allahu Akbar, ensuite tu fais jazat al-istiraha et tu te lèves. وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ceux qui ont le livre. Ceux qui ont Thumma Yasjoud, c'est une erreur. Il faut barrer de Thumma Yasjoud jusqu'à Hatta Yastawi Qa'idan, sur la ligne du dessous. Donc l'autre preuve, c'est le hadith de l'Moussi Salatahu, le hadith de l'homme qui a mal fait sa prière. Le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam lui a dit que la prière d'une personne ne peut être complète que lorsqu'il a fait ses ablutions et qu'il les ait fait correctement, ثم يكبر أي تكبيرة الإحرام, puis qu'il dise Allahu Akbar, c'est-à-dire le premier takbir, ويحمد الله عز وجل ويثني عليه, et qu'il remercie Allah, qu'il le loue et qu'il fasse ses éloges, c'est-à-dire durant du'a al-siftah, ويقرأ بما شاء من القرآن, et qu'il lise ce qu'il veut du Coran, puis qu'il dise Allahu Akbar, c'est-à-dire lorsqu'il veut s'incliner. Et là dans le livre c'est marqué, donc c'est une erreur d'imprimerie, thumma yasjud hatta tatma'inna mafasiluhu. Non, c'est thumma yarka' hatta tatma'inna mafasiluhu, puis qu'il s'incline jusqu'à ce que ses os soit apaisé, jusqu'à ce que ses os, si on traduit littéralement, jusqu'à ce que ses os soient apaisés, ou jusqu'à ce que ses os reprennent leur place. ثم يقول سمع الله لمن حمده, puis dit Allah entend ceux qui le louent, حتى يستوي قائما, jusqu'à être debout. ثم يقول, puis qu'il dise الله أكبر, ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله, puis qu'il se prosterne jusqu'à ce que ses os reprennent leur place. ثم يقول الله أكبر puis qu'il dise الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا puis qu'il relève sa tête jusqu'à s'asseoir ثم يقول الله أكبر puis qu'il dise الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله puis qu'il se prosterne c'est-à-dire la deuxième prosternation jusqu'à ce que ses os reprennent leur place يرفع رأسه فيكبر puis qu'il relève sa tête en disant Allahu Akbar فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته et s'il fait cela sa prière est alors complète s'il fait ainsi sa prière est alors complète hadith authentique rapporté par Abu Daoud c'est clair طيب ثانيا التشهد الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل حديث صحيح رواه النسائي Donc la deuxième chose obligatoire durant la prière est le premier tashahhud. Le premier tashahhud, il faut comprendre, le premier tashahhud durant les prières à trois ou quatre rak'at. Parce qu'une prière à deux rak'at, le premier tashahhud, c'est aussi le dernier. Donc lorsqu'on parle du premier tashahhud, on dit cela en parlant des prières de 3 ou 4 rak'at. Quelle est la preuve que le premier tashahhud est une obligation et non un pilier? Quelle est la preuve? Il n'est pas mentionné dans le hadith al-Musi. Il est mentionné dans le hadith al-Musi Salatahu. Dans le hadith al-Musi Salatahu, il y a plusieurs versions. On a cité plusieurs versions. Et là, l'auteur, entre autres, ne cite du hadith al-Musi Salatahu que ce qu'il utilise pour preuve. D'accord? Al-Mu'ababa. Non. La preuve, c'est le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a prié à Dhuhr ou à l'Asr, il y a plusieurs versions. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié de faire le premier tashahhud. Il s'est levé directement à la troisième rak'at. Les compagnons l'ont repris, mais le Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas redescendu. Il est resté debout, a terminé sa prière, thumma sajada lis-sahwi qabla as-salam. Et le Prophète a fait deux prosternations de la distraction avant le salam. Et les savants ont déduit deux choses de ce hadith. La première, c'est que celui qui prie en tant qu'imam et se lève directement à la troisième rak'at sans avoir fait le tashahhud du milieu, et que les gens le reprennent lorsqu'il est debout, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer sa prière. Il doit continuer sa prière et ne pas se rasseoir. Et ensuite de faire les deux prosternations de la distraction avant le salam. Et la deuxième chose que les savants ont déduit de ce hadith, c'est que le premier tashahhud n'est pas un pilier. Car si c'était un pilier, le professeur sallam l'aurait accompli. On avait dit que le pilier n'est pas compensé par les prosternations de la distraction. D'accord? Mais l'obligatoire, lui, est compensé par les prosternations de la distraction. On a déduit donc de ce hadith que le premier tashahhud est une chose obligatoire et non une chose et non un pilier. Non. Si l'imam, au moment où il se relève, il le rappelle. Au moment où il se relève, il peut se rasseoir. Au moment où il se relève, il peut se rasseoir, mais lorsqu'il est debout, là, il doit continuer sa prière. Taïb. La preuve que le premier tashahhud est une obligation Et la preuve, du hadith, la preuve est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vous vous asseyez, toutes les deux raka'at, dites At-tahiyyatu lillah, wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puis que l'un d'entre vous choisisse l'invocation qui lui plaît le plus et qu'il invoque par celle-ci son Seigneur Azza wa Jal. Hadith authentique rapporté par Al-Nasa'i. Donc dans ce hadith, le Prophète sallam a dit: lorsque vous vous asseyez, toutes les deux raka'at, c'est-à-dire durant le premier et le dernier tashahhud. فَقُولُوا dites, et ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam signifie l'obligation jusqu'à la preuve du contraire. Et on déduit aussi de ce hadith qu'il est autorisé de faire l'invocation, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala après le tashahhud, même durant le premier. Certains savants ont dit que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « وَلْثُمَّ مِنَ الدُّعَاءِ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ » puis que l'un d'entre vous choisisse l'invocation qui lui plaît le plus, certains savants ont dit cela est après le dernier tashahhud. Certains savants ont dit cela, mais d'autres savants comme Cheikh l'Albani rahimahullah disent que cela est valable pour le premier comme pour le second. وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته فقال فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. Et donc le frère, le tashahhud du premier tashahhud est bien cité dans hadith Musi Salatah. Et la deuxième preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a ordonné ainsi l'homme qui a mal fait sa prière lorsqu'il a dit: lorsque tu t'assois au milieu de la prière, sois apaisé et assis-toi. Puis assis-toi sur ta cuisse gauche et fais le tashahhud. Assis-toi sur ta cuisse gauche ou appuie-toi sur ta cuisse gauche et fais le tashahhud. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. La troisième chose obligatoire, ويجب عليه إذا قام إلى الصلاة أن يتخذ سترة بين يديه تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءه. La troisième chose, la troisième. تكبيرة الانتقال. La deuxième c'est التشهد. Non, قول سمع الله لمن حمده, ça rentre dans le premier. Ça rentre avec Takbirat al-Intiqal. C'est une sunna. As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'da tashahhud al-awwal, après le premier tashahhud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna. Non, mais ça on dit, Jumhur ulama disent que c'est une sunna. Donc, la troisième chose obligatoire, c'est de mettre un obstacle devant lui. Il est obligatoire pour celui qui se lève pour accomplir sa prière de positionner devant soi une sutra. Et une sutra, c'est un obstacle que le prieur met devant lui et vers la direction de laquelle il prie. Donc une sutra, c'est une chose que tu poses devant toi lorsque tu pries et tu te diriges vers cette chose. تَمْنَعُ الْمُرُورَ أَمَامَهُ. Et cet obstacle va permettre d'interdire aux gens de passer, aux gens ou aux choses, de passer devant toi. وَتَكُفُّ بَصَرَهُ عَمَّا وَرَأَهَا. Et de ne pas faire attention à ce qu'il y a derrière. La sutra, l'obstacle, permet aussi à la personne de ne pas penser, de ne pas se préoccuper de ce qui se passe derrière cet obstacle. Et les savants ont même dit que la sutra aide au khushu'. La sutra aide la personne à se concentrer durant sa prière, car son espace de prière est limité. Donc, son esprit, lui aussi, est restreint. Son esprit n'est pas amené à penser à beaucoup de choses. Pourquoi ? Car la sutra restreint ces choses-là. An Sahl ibn Abi Hathmah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. La preuve est le hadith de Sahl ibn Abi Hathmah qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il prie vers une sutra, vers un obstacle, وَلْيَدْنُ مِنْهَا, et qu'il s'en approche, لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ, afin que le diable ne coupe pas sa prière, pour que le diable ne coupe pas sa prière. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim et Al-Nasa'i. Et les savants ont dit, afin que le diable ne coupe pas sa prière, il y a beaucoup d'explications. Certains ont dit, pour ne pas que le diable coupe sa prière, c'est-à-dire que le diable vienne en apparence, que ce soit le diable en apparence de djinn ou d'être humain. D'autres savants ont dit, afin que le diable n'apporte pas ou ne fasse pas passer devant toi, ou ne soit la cause que quelqu'un passe devant toi et coupe ta prière. Et d'autres savants ont dit que le diable ne coupe pas ta prière, il parle du chien noir, car dans un autre hadith, le prophète sallam a dit que le chien noir c'était le shaytan, c'était le diable. Et d'autres savants ont dit, pour ne pas que le diable coupe ta prière en te distrayant durant celle-ci. C'est-à-dire, soit tu la coupes yani concrètement, ou bien alors à travers ces insufflations et les distractions qui pourraient t'insuffler. Et selon Ali ibn Omar, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة ولا تدع أحدا يمر بين يديك فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. Et selon Ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne prie que vers une sutra et ne laisse personne passer devant toi, et s'il s'abstine, alors combat-le, car il y a avec lui le diable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, ordonne clairement et dit: ne prie pas sauf vers une sutra, et ne laisse personne passer devant toi. Ne laisse personne passer devant toi, ou ne laisse que ce soit une personne ou une chose, un animal ou autre. فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ, s'il refuse, c'est-à-dire si malgré que tu l'aies empêché de passer devant toi, il force, il veut absolument passer, alors combat-le. Alors combat-le. Et les savants disent: الْمُقَاتَلَ هُنَ فِي الْحَدِيثِ أَيْ الْمُدَافَعَ, combat-le, c'est-à-dire pousse-le violemment, pousse-le aussi fort que possible, aussi fort que nécessaire. Ça ne veut pas dire tue-le. Et les savants disent que s'il essaie de passer une fois, repousse-le gentiment, car peut-être qu'il ne t'a pas vu. Peut-être qu'il ne t'a pas vu. Donc il faut toujours commencer par la douceur, par la gentillesse. Et il met ta main devant pour l'empêcher de passer. Car on voit malheureusement certaines personnes, lorsque quelqu'un passe devant eux, ils le poussent violemment, d'emblée. Alors que cette personne peut-être qu'elle ne l'a pas vu. Il faut aussi être compréhensible. Mais si cette personne s'obstine, alors repousse-la aussi fort que possible et aussi fort que nécessaire. Non, Marie ? Quand on dit couper la prière, c'est une petite chose, c'est ça ? On va citer ça, Inch'Allah, après. Si la personne n'a pas de canon, si la personne elle passe quand même, c'est-à-dire si elle passe quand même, qu'est-ce que tu veux faire? Tu lui dis retourne. Elle est passée, khalas. Elle est passée, elle a commis un péché. Les savants disent que de passer devant une prière, une kabaïr de nous, ça fait partie des grands péchés. Et les grands péchés, pour se faire pardonner, il faut faire les conditions du repentir. Non. Mais la prière, elle... Non. La prière, elle est toujours valide. Elle est toujours valide, non. Les trois comparaisons avant, pour pas que Shaitan coupe ta prière, je voulais savoir, en fait, j'en ai marqué deux. Quand le Shaitan prend la forme d'un djinn ou d'un être humain, non. Un souffle aux gens, et la troisième, c'est quoi? Lorsqu'il fait en sorte que quelqu'un passe devant toi. Non, ça c'est... Lorsqu'il fait en sorte que quelqu'un passe devant toi, lorsque lui-même passe, soit sous sa forme de djinn ou sous sa forme humaine. وتتحقق السترة بالجدار والاسطوانة والعصا المغروزة والراحلة يعرضها فيصلي إليها وأقل ما يجزئ مثل مؤخرة الرحل. لحديث موسى ابن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من ورائي ولا يبالي من مر وراء ذلك. حديث صحيح رواه مسلم والترمذي. Et qu'est-ce qui fait guise d'obstacle? Le cheikh dit, et l'obstacle peut être un mur, peut être un pilier, peut être un bout de bois planté dans le sol, peut être une monture, un chameau, que une monture que tu mets devant toi, que tu mets devant toi et vers lequel, vers la direction dans laquelle tu pries. Et concernant mu'akhirat al-rahl, il y a quatre façons de le prononcer, comme l'imam Nawawi rahimahullah l'a cité dans son livre Sharh Sahih Muslim. Tu peux dire mu'akhirat al-rahl بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة. De dire مؤخرة ou de dire مؤخرة ou de dire مؤخرة ou de dire بهمزة ممدودة وكسر الخاء ou de dire آخرة آخرة الرحل. Donc il y a quatre façons de le prononcer. Et le cheikh dit que le minimum, yani la hauteur minimum que doit avoir l'obstacle que tu poses devant toi durant ta prière et vers lequel tu te diriges, doit être de la hauteur similaire ou semblable ou identique à Mu'akhirat al-Rahl. Et Mu'akhirat al-Rahl, les savants disent que c'est la planche qui est présente sur la selle que l'on met sur un chameau et sur laquelle on s'adosse. Au temps du professeur Sallam, il posait des selles sur les chameaux, les chamelles, les dromadaires, et sur cette selle, sur le derrière de cette selle, il avait une planche, que les savants appellent Mu'akhirat al-Rahl. Et ta sutra, la hauteur de ta sutra, de ton obstacle, doit être similaire à la hauteur de cette planche. Et les savants disent que la hauteur est de... et de dira, et dira, c'est-à-dire une coudée. La hauteur est d'une coudée. Les hadiths de Moussa, la preuve est le hadith de Moussa ibn Talha, selon son père, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, lorsque l'un d'entre vous met devant soi un obstacle comparable ou d'une hauteur comparable à celle de la planche située derrière la selle, qu'il prie et ne fasse pas attention à ceux qui marchent derrière. Il ne fasse pas attention à ceux qui passent derrière. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as ta sutra, et que ta sutra, sa hauteur, est d'une coudée, alors ne fais pas attention à tous ceux ou tous ceux qui passent derrière cet obstacle. De nouveau le musalli min al-sutra, le fait de se rapprocher de la sutra. عن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أدرع حديث صحيح رواه البخاري. وعن سهل بن سعد قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه حديث متفق عليه. donc fait partie de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم de se rapprocher de sa sutra. De poser un obstacle devant soi, c'est une obligation. Et il y a une divergence des savants sur l'obligation de mettre un obstacle devant soi lors de la prière. La plupart des savants, Jumhur al-Ulama, disent que c'est une sunna, que c'est préférable et non obligatoire. Mais l'avis le plus sûr, et l'avis qui est soutenu par les hadiths du prophète sallam, c'est que c'est obligatoire, car le Prophète a dit ne prie que vers une sutra. Le hadith du Prophète est clair. Et quant au hadith qui parle du trait, de faire un trait devant soi, c'est un hadith qui est faible. Et que Cheikh Al-Albani rahimahullah a rendu faible. Il a même dit hadith ul-khat madroubun bil-khat. Cheikh Al-Albani rahimahullah a même fait un jeu de mots, a dit le hadith du trait. Fait un trait dessus. Yani, il n'est pas authentique et ne doit pas être pris en considération. Donc, l'avis le plus sûr, Inch'Allah, c'est que la sutra, l'obstacle, est une obligation. Que la personne qui veut prier doit prier obligatoirement vers un obstacle. Et donc, de se rapprocher fait également partie de la sunna du Prophète. La preuve est le hadith de Bilal qui dit que le Prophète a prié et il y avait entre lui et le mur vers lequel il priait, la distance équivalente à 3 coudées. Une distance équivalente à 3 coudées. Et selon Sahel Ibn Sa'd, qui dit qu'il y avait entre l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et le mur, mamar shah, c'est-à-dire la distance suffisante pour qu'une brebis passe. La distance suffisante pour qu'une brebis passe. Comment rassembler les deux hadiths? Comment rassembler le premier hadith où le Prophète sallam laissait entre lui et le mur 3 coudées et le hadith où le Prophète sallam laissait entre lui et le mur la distance ou l'endroit nécessaire à une brebis pour passer? Ahsan, sujoud. Lorsque le Prophète sallam était debout et qu'il y avait le mur devant lui, la distance qui le séparait en étant debout du mur est de 3 coudées. Et lorsqu'il était prosterné, la distance qui séparait l'endroit où il posait son front et l'obstacle était l'endroit suffisant pour qu'une brebis passe. Donc la première distance, c'est lorsque la personne est debout. Et la seconde, lorsque la personne est prosternée. Non. Donc le Prophète dit qu'il y a un hadith du Prophète où il priait sans sutra. Qui ramène la preuve. À la coup de hadith, même si il était rapporté que le Prophète suppose que le Prophète ait prié sans sutra, c'est un fait. C'est un acte de sa part. Or, les hadiths qui montrent l'obligation de prier vers un sutra sont une parole. On avait dit que les paroles du Prophète prévalent sur ses actes. Car ses actes, il aurait pu très bien prier avant l'obligation de prier vers un obstacle. Ou peut-être que le Prophète a prié, peut-être que c'est une spécificité propre à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est connu de sa sunna, c'est que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam prier vers une sutra, qu'il soit résident ou même en voyage. Et on avait vu dans le chapitre de la purification que les compagnons du Prophète, lorsqu'ils lui apportaient les récipients pour faire ces ablutions, qu'est-ce qu'ils apportaient avec? On avait parlé de Al-Anaza. Al-Anaza, c'est quoi? Une lance. Et les savants ont dit que les compagnons apportaient cette lance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, après avoir fait ses ablutions, de faire deux raka'at. Et il prenait ce bâton, le plantait devant soi et le prenait comme une sutra. Donc ce qui coule de la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prier vers une sutra qu'il était résident ou voyageur. Non. Non. Donc le frère demande concernant Masjid al-Haram, la mosquée de la Mecque, qu'il y a une fatwa du Cheikh Ibn Baz et d'autres qui autorisent de passer devant la personne qui prie, car ils disent que c'est un cas que la mosquée est exemptée de cela vu les difficultés que les gens ont à y circuler, et surtout pendant les périodes du Hajj et du Ramadan. Ils autorisent de passer devant la personne qui prie. Mais d'autres savants, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, disent qu'il n'est pas autorisé, que l'interdiction de passer devant un prieur, elle est valable dans la mosquée Al-Masjid Al-Haram et en dehors de la mosquée sacrée. Elle est valable tout le temps. Il est interdit tout le temps de passer devant un prieur, quelles que soient les circonstances, sauf en cas de darar, en cas de force majeure. Et Cheikh Ibn Baz, entre autres, considère cela comme un cas de force majeure. Maintenant, le frère pose la question, que doit-on faire pour celui qui considère qu'il ne faut pas passer devant? Qu'est-ce qu'il doit faire si quelqu'un passe devant? Est-ce qu'il l'empêche ou est-ce qu'il prend en considération la fatwa de Cheikh Ibn Baz et des autres? La réponse, c'est qu'il a été rapporté que Anas radiallahu anhu et que Ibn Umar radiallahu anhu empêchaient, alors qu'ils priaient dans la mosquée Masjid al-Haram, empêchaient tous ceux qui passaient devant eux de passer. Tous ceux qui essayaient de passer devant eux, ils les empêchaient de passer. Et ça, c'est une preuve des savants qui disent qu'il est interdit quel que soit l'endroit. Ils utilisent entre autres ces faits de Abdullah ibn Umar et de Anas ibn Malik, car ils priaient où? Dans le Masjid al-Haram. Ils priaient dans le Masjid al-Haram et malgré cela, ils ne laissaient personne passer devant eux. Wallah ra'ala. Yeah. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à propos des mosquées à Banna, normal? Et par exemple, il n'y a pas de sutra, on va souvent à ça, mais il n'y a pas de sutra, la distance pour passer. Par exemple, un homme dans une mosquée, non. Il prend son sutra. Il y a une grande distance. Quelle est la question de... Non. Donc le frère pose une question. Pour une personne qui prie sans sutra, il n'y a rien devant lui. Est-ce qu'il est autorisé de passer devant? Et si oui, à quel endroit? Et quelle est la distance qu'il doit laisser entre le prieur et lui pour traverser sans rentrer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il interdit de passer devant une personne qui prie? Les savants ont dit que tu dois voir l'endroit où il pose son front, et derrière l'endroit où il pose son front, tu mesures la distance qui est suffisante pour qu'une brebis passe, et derrière cela tu passes, après cette distance tu passes, yani tu fais comme si virtuellement il avait une sutra et tu passes devant. Et d'autres savants comme Cheikh Al-Albani rahimahullah dit que tu passes derrière l'endroit où il pose son front. Derrière l'endroit où il pose son front, car le prophète sallallahu alayhi a interdit de passer devant le prieur. C'est-à-dire entre l'endroit où il pose ses pieds et l'endroit où il se prosterne. Ça c'est l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Non. Non, là, Allahu a'lam, là, il y a un khilaf des savants sur ça, et donc le frère demande sur le fait de s'avancer. Lorsque tu pries, et que par exemple tu es pris une personne comme sutra, comme obstacle, et que cette personne, elle se lève et à part. Tu te retrouves sans sutra. Et une autre personne est devant. Est-ce qu'il t'est autorisé de t'avancer ou non? Allahu a'lam. Et si c'est une personne qui crie sans contrat, juste par en fait, tu dois attendre, après. Si la personne prie devant la porte, elle a fait une chose interdite, déjà de prier sans sutra, et de bloquer le passage des gens, mais malgré cela, tu ne dois pas passer devant. Car le fait de passer devant prière, une kabaïr et dounoub, fait partie des grands péchés. Et le Prophète a dit, si celui qui passe devant le prieur savait le péché qu'il avait fait, il lui serait préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant lui. Et lorsqu'il était demandé au compagnon, le rapporteur du hadith, 40, c'est-à-dire, il a dit, je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 ans. Donc si tu prends le minimum de 40 jours, tu vois l'année que ça vaut la peine d'attendre. D'accord ? Donc la personne qui prie devant la porte de la mosquée, attend qu'il finisse. En combien de temps va finir sa prière ? 5 minutes, 10 minutes ? Patience. Attends qu'il finisse, conseille-le, dis-lui que de ne plus recommencer cela, conseille-le d'abord de prier vers un sutra, et ensuite de ne pas prier devant la porte de la mosquée, et ainsi empêcher les gens d'entrer. Non. La position de Cheikh Al-Albani, il dit, lorsqu'une personne prie et qu'il n'a pas de sutra devant lui, tu ne dois pas passer entre l'endroit où il se met debout et l'endroit où il pose son front durant la prosternation. C'est-à-dire que tu dois passer après l'endroit où il pose son front pendant la prosternation. Derrière lui. Derrière lui, là. D'après ce qu'on voit là, ça fait qu'une personne en sait que c'est obligatoire de faire de mettre ce sutra, et qu'elle n'avait pas exprès, c'est ça, c'est pas peine. Non. On ne comprend pas ça. Pourquoi tu comprends ça? C'est une obligation de salat, là. Non. C'est une obligation qui rentre dans le salat. C'est une obligation qui rentre dans le salat. De Naam. Ah, tu parles de celui qui considère. Allahu a'lam. Allahu a'lam, je ne sais pas si ça rentre dans ce cadre. Parce que là, la différence de la sutra, ce n'est pas un acte qui est propre à la prière. C'est un acte extérieur à la prière. Par exemple, celui qui délaisse le tashahhud, le premier tashahhud volontairement. Qu'est-ce qu'on lui dit? Sa prière, elle est batila. D'accord? Sa prière, elle est batila. Pourquoi? Car il a délaissé une obligation de la prière, mais une obligation qui est propre à la prière. D'accord? Et d'avoir une sutra, c'est une obligation, certes, mais elle n'est pas en rapport avec la prière. Elle ne fait pas partie de la prière. Il a mis quoi? Ouais, il dit que ça fait partie des wajibat, des choses que tu dois obligatoirement faire pour accomplir ta prière, mais il n'a pas dit que c'est une obligation propre à la prière. T'as compris? Et la règle dans ce qui coupe la prière dans un sutra, la règle, la seule chose qui peut couper la prière, annuler la prière, c'est celui qui prie sans sutra et que passe devant lui une femme, un âne ou un chien noir. Si tu pries sans sutra et que passe devant toi une femme ou bien un âne ou bien un chien noir, ta prière elle est batila. Tu peux déjà la recommencer de suite. Non ? Une femme pubère, non. Et lorsque tu pries vers une sutra et que une femme ou un âne ou un chien noir passe devant toi, ta prière elle est bonne. Pourquoi ? Car tu as prié vers une sutra. D'accord ? Donc quand tu pries vers une sutra, ta prière n'est jamais annulée si quelqu'un passe devant. Et c'est là où il y a le hadith du Prophète sallam, la yubtilu as-salata shay. La yaqta'u as-salata shay. Rien ne coupe la prière. C'est-à-dire rien ne coupe la prière de celui qui prie vers une sutra. Mais quant à celui qui ne prie pas vers une sutra, coupe alors sa prière la femme, l'âne ou le chien noir. Non. Même s'il passe entre toi et la sutra. Non. Non. Après avoir entendu ça, qu'elle a dit que c'était faux parce qu'elle-même devant le prophète. Non, ça c'est le hadith rapporté par Bukhari. Lorsque il a été cité ce hadith à Aïcha radiallahu anha, que coupe la prière de celui qui ne prie pas vers une sutra, la femme, le chien noir ou l'âne, que Aïcha radiallahu anha a condamné cela et a dit qu'elle a prié, elle était devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et elle était devant lui. Et les savants ont dit que cela n'est pas un passage. Aïcha radiallahu anha, elle était allongée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était allongée entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le mur. Elle n'est pas passée. Or, le hadith parle de la femme qui passe devant le prieur. C'est ça qui a lieu. Et ça, on dit que ça, c'est une erreur de Aïcha radiallahu anha. Et comme les savants disent, كُلُّنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكْ إِلَّا صَاحِبُ هَذَا. Comme l'a dit Imam Malik, on prend de tout le monde et on délaisse, sauf du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Aïcha radiallahu anha a dit ce qu'elle savait. Radiallahu anha, c'est notre mère, c'est la mère des croyants, mais cela ne veut pas dire qu'elle est infaillible et qu'elle ne fait et qu'on doit tout prendre d'elle. Non, il y a des choses qu'on ne prend pas de Aïcha radiallahu anha, et entre autres, cette condamnation qu'elle a faite. Non. Sur la femme non pubère, l'enfant, il ne coupe pas. Les seules choses qui coupent la prière, comme j'ai dit, ce sont ces trois choses pour une personne qui ne prie pas vers une sutra. Toutes les autres choses, elles ne coupent pas la prière, elles n'annulent pas la prière. Non. Non, même s'il passe devant. Devant, à partir du moment où c'est appelé devant. À partir du moment où c'est considéré comme passer devant, si la femme elle passe devant toi, après il n'y a pas de distance bien définie, si ce n'est lorsque cela s'appelle passer devant. Là, tu t'arrêtes à prier de suite. Non. يقول المؤلف إذا اتخذ سترة فلا يدع شيئا يمر بين يديه بينه وبين السترة. Et lorsque la personne met une sutra, un obstacle devant lui, qu'il ne laisse alors personne passer entre lui et son obstacle. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمرت شاه بين يديه فسعاها إلى القبلة حتى أزلق بطنه بالقبلة. حديث صحيح. وفي رواية فسعاها حتى أزلق بطنه بالحائط ومرت من ورائه. Selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour a prié et une brebis s'est avancée et a voulu passer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé vers le mur jusqu'à coller son ventre au mur et que la brebis soit passée derrière lui. Donc ça répond à ta question. Donc il est autorisé de s'avancer lorsque tu vois que quelqu'un veut passer devant toi ou quelque chose et que tu ne peux pas l'empêcher ou que de l'empêcher est quelque chose de difficile, alors avance-toi, approche-toi de ton obstacle et laisse cette chose passer derrière toi. Ne la laisse pas passer entre toi et l'obstacle. Wa an Abi Sa'id al-Khudri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. Et selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il ne laisse personne passer devant lui et qu'il l'en empêche autant qu'il le peut, s'il s'obstine, alors qu'il le combatte, car il y a avec lui le diable. Hadith authentique rapporté par Muslim. وإذا لم يتخذ سترة فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. Et donc là l'auteur dit: et s'il ne prend pas d'obstacle, s'il n'y a pas d'obstacle devant lui, alors coupe sa prière, c'est-à-dire annule sa prière, l'âne, la femme et le chien noir. عن عبد الله ابن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بينه فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر، ما بل الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. حديث صحيح رواه مسلم. اسمه عبد الله بن الصامت رضي الله عنه. Selon Abu Dharr, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous se lève pour prier, فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ, le protégera alors s'il y a devant lui un obstacle d'une hauteur semblable à la selle, au dossier de la selle d'un chameau. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ, et s'il n'y a pas devant lui un obstacle d'une hauteur similaire ou identique au dossier de la selle d'un chameau, alors coupe la prière, coupe sa prière, c'est-à-dire annule sa prière, l'âne, la femme et le chien noir. Et Abdullah ibn Samit a demandé à Abu Dharr et a dit, oh Abu Dharr, qu'en est-il du chien noir? Quelle est la différence entre le chien noir, le chien rouge et le chien jaune? Et Abu Dharr radiallahu anhu a dit, j'ai demandé, j'ai posé cette question même, je l'ai posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'a dit, le chien noir et le diable. Dans ce hadith, on en déduit deux choses. Que l'obstacle protège la personne de la prière. C'est-à-dire que si tu as un obstacle devant toi et que quelqu'un passe devant toi, est-ce que ta prière est impactée? Est-ce que ta prière est valide? Elle est valide. Est-ce que sa récompense est diminuée? Non. Elle n'est pas diminuée car tu as pris vers une sutra. Et celui qui a commis un péché, c'est celui qui est passé devant toi. Quant à ta prière, elle n'est pas diminuée. D'accord? Pour celui qui ne prie pas vers une sutra, si quelqu'un passe devant lui, sa prière est diminuée, comme cela a été rapporté dans la parole de Omar ibn al-Khattab. Il y a une parole de Omar ibn al-Khattab qui cite que celui qui ne prie pas vers une sutra, et que quelqu'un passe devant lui, la récompense de sa prière se voit diminuée. D'accord? Quant à celui qui prie vers une sutra, d'accord, qui ne prie pas vers une sutra, celui qui ne prie pas vers un obstacle et que passe devant lui une femme ou un âne ou un chien noir, cela annule sa prière. Pourquoi? Car il n'avait pas d'obstacle devant lui. Et s'il a un obstacle, alors sa prière n'est ni diminuée ni annulée. Car l'obstacle l'a protégé. La sutra a protégé. Sataratuhu. Elle l'a protégé de tout manque pendant sa prière. C'est clair? Le cas des petits enfants, en général, quand ils passent comme ça, est-ce qu'ils rentrent tous dans le choc? Ils rentrent tous dans le choc. Toute chose, il ne faut. La tada ahadan, quoi, ce samedi, ne laisse personne, que ce soit un enfant, que ce soit un homme, une femme, ne laisse personne ou une chose, ne laisse personne passer devant toi, entre toi et ta sutra. Non? Et les savants disent que même si c'est ta femme qui passe devant toi, ça annule ta prière, si tu n'as pas de sutra. Même si c'est ta propre épouse. Non. Donc là, une question qui est, si un enfant passe entre la sutra et la personne, doit-on le repousser ou le laisser passer? On doit le repousser. طيب تحريم المرور بين المصلي بين يدي المصلي. Donc il est interdit, l'interdiction de passer devant le prieur. La preuve est le hadith d'Abi Juhaym qui dit عن أبي جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يدي. حديث متفق عليه. Donc selon Abu Juhaym qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si celui qui passe devant le prieur savait ce qu'il encourt, il lui serait préférable de rester debout 40 plutôt que de passer devant le prieur. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais comme je vous ai dit, lorsque le rapporteur a été questionné sur les 40, il a dit je ne sais plus si c'est 40 jours, 40 mois ou 40 années. Sutratul imam, sutratul lil ma'moum. Donc ensuite l'auteur dit que l'obstacle de l'imam est l'obstacle de ceux qui prient derrière lui. L'obstacle de l'imam est considéré comme l'obstacle de ceux qui prient derrière lui. Sutratul imam, sutratul lil ma'moum. Ali ibn Abbas qala aqbaltu rakiban ala atan wa ana yawma'idhin qad nahaztu l'ihtilam. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حديث متفق عليه. Donc la preuve que la sutra de l'imam c'est la sutra de ceux qui prient derrière lui et le hadith d'Ibn Abbas qui dit je suis venu ou je me suis approché en étant sur ma monture. Ala atan, atan c'est la femelle de l'âne, c'est-à-dire l'ânesse. Abdullah ibn Abbas était sur une ânesse. Wa ana yawmaydin qad nahastu l'ihtilam. Et j'étais à cette époque, je m'approchais de l'âge de la puberté. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priaient. Présider la prière à Mina. Et beaucoup de savants disent que ce fait a eu lieu durant Hajjat al-Wada, durant le pèlerinage d'Adieu, c'est-à-dire vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Famaratu bayna yaday saf, et je suis passé devant le saf, je suis passé devant le rang. Puis je suis descendu et j'ai envoyé mon ânesse afin qu'elle mange et qu'elle boive. Qu'elle mange et qu'elle boive ce qu'elle désire. Et je suis rentré dans le rang. Falam yunkir dhalika alayya ahad. Et personne ne m'a fait de reproche. Personne ne m'a fait de reproche. Donc dans ce hadith, Hadith Abdullah ibn Abbas, qui dit qu'il était sur sa monture, sur son ânesse, et il est passé entre le rang, entre les rangs. C'est-à-dire, derrière le professeur sallam, et devant les rangs de ceux qui priaient derrière le prophète alayhi salatu wassalam. D'accord ? Et il est descendu de son ânesse, l'a envoyé manger et boire, et entré dans le rang, et a fait sa prière, personne ne lui a fait de reproche. Donc cela était quelque chose de connu, et ce n'était pas quelque chose d'étrange. Ce n'était pas quelque chose d'étrange au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même à la fin de la prophétie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc après que les gens aient connu l'islam, l'aient étudié, etc., cela ne les a pas choqués. Et personne n'a repris Abdullah ibn Abbas dans ce qu'il a fait. Les savants ont déduit que la sutra de l'imam, qu'al prophète sallam priait vers une sutra. Et il y a une version du hadith, comme le cite le mu'allif, Bimina ila ghayri jidar, que le prophète sallam priait à Minan et ne priait pas vers un mur. Ne priez pas vers un mur, mais le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas vers un mur, est-ce que ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait pas vers une sutra? Non. Abinan, Minan, c'est une terre qui est vaste, d'accord, et il est clair qu'à Minan, les murs, ça ne court pas les rues, d'accord, des murs, il n'y en a pas beaucoup à Minan, il n'y a que du sable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas prié vers un mur à Minan, n'est pas quelque chose d'étrange, d'accord. Mais une chose est sûre, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a prié vers une sutra, d'accord. Et les savants ont déduit que les compagnons n'ont pas repris Abdullah ibn Abbas sur cet acte qu'il a fait, donc que leur prière est valide, donc que la sutra de ceux qui prient de l'imam est également la sutra de ceux qui prient derrière lui. Non, c'est autorisé. La sutra, tu dois la faire avant la prière. Pendant la prière, il n'y a plus de sutra. La prière, l'obligation de la prière, l'obligation de la sutra, pendant la prière, c'est avant que tu fasses la prière. Il t'est obligé, avant de commencer ta prière, de poser une sourate devant toi. Donc si tu sais que tu arrives en retard à la mosquée, que tu sais que tu as raté 2-3 rak'at, et que lorsque tu devras te relever, tu n'auras pas de sourate devant toi, pose quelque chose. Pose quelque chose, au contraire, c'est préférable. Non. Non. Allahu a'lam. Non. Enfin, la parole qui a dit que l'enfant doit repousser dans la prière, et le prophète sallallahu alayhi qui avait pendant un sujet de son un de ses deux petits enfants sur lui. Non, le Hassan et le Hussein. Mais elle où est la contradiction déjà? Tu dis que comment rassembler le fait qu'on doit repousser un enfant lorsqu'il veut passer devant nous, et le fait que le prophète sallallahu alayhi a prié qu'il a porté le Hassan et le Hussein sur son épaule. Non, il jouait, mais est-ce qu'il est passé devant lui? Non, il n'a pas signalé, donc il n'y a pas de contradiction à la base. Non. Ce qui est cité dans le hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se prosternait, il le posait, et lorsqu'il se relevait, il le reprenait. Non, c'est tout ce qui est cité dans le hadith. Il n'y a pas cité que Al-Hassan ou Al-Hussein, radiallahu anhuma, sont passés devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas de contradiction, alhamdulillah. Nakhtafi bihadha al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.